oui, c'est ça, je tourne en rond, la chanson à texte, si on peut. Enfin voilà, Christophe Willem sur France Bleu Périgord. France Bleu Périgord vous offre vos plus beaux cadeaux. Pas toujours parfois très compliqué de faire une chanson. Bonjour, bonjour Margot. Bonjour. Oh, c'est une jeune auditrice Margot, non ? Exactement. Ah oui, je sens ça. Vous nous appelez de Saint-Jean d'Estissac, Margot. Oui. Et vous allez pouvoir partir au château de Bridoire. Est-ce que vous le connaissez, ce château ? Oui, on y est allé l'année dernière, pareil, parce qu'il y avait un escape game. Ah, voilà, on est friand un petit peu de ces escape games. Eh bien là, c'est le mystère à l'école des sorciers, donc, qui est à découvrir. Découvrir ce trésor, découvrir un petit peu tous les sortilèges qu'il va falloir éviter. C'est vraiment une belle déambulation. Vous allez pouvoir y aller, Margot, avec la personne de votre choix. Donc à deux, c'est mieux, hein, pour s'amuser. Et bonnes futures vacances, Margot. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Le 16-19 sur France Bleu Périgord. Eh oui, faire plaisir, c'est tout simple sur France Bleu Périgord. Tenez, si vous aimez la Languedoc, eh bien, voici Laurent Labadie, quelque part en Dordogne. Tenez, patron, une gousse. Alors, je suis à Abja-sur-Bandia, dans le Nantronais, un cougine. Alors, et patron, nous tendez-vous par là, vous voyez. Je suis pas trop dispo pour vous parler. Laurent. Oui, chef. T'as demandé une gousse d'ail, pas une c'est. Hein? Chef, qu'est une gousse, hein? C'est une gousse, je vous assure. Vous foutez des you, là-bas, dit. Pas du tout. Le gousse, c'est le chien. Et la gousse, ça signifie la chienne en occitan. Ce n'est pas de ma faute si le mot gousse français est un emprunt à l'ancien occitan du 12e siècle, vous voyez. Alors vous et votre gousse, défort. Vous et votre chienne, dehors. Vous êtes virés. Oh. Mais Kevraik et Périgord Limougie, la gousse d'ail se dit la gousse ou la douche. Pour dire tabé l'ail ou la liche. Moi j'aime bien la liche pour dire aïe. Mais la gousse c'est la chienne, c'est tout. Le goucha, le gouchaï signifie la canaille. Et moi je suis un gouchotier, quelqu'un qui aime les chiens. Bon, ben en attendant, si je veux retrouver du travail, il va falloir que je sois un peu moins tatillon sur le vocabulaire. À vous l'antenne. Eh bien, je la reprends pour vous présenter un petit peu le morceau que voici, qui s'appelle Barricada sur France Bleu Périgord. Moresca fracadoub. Pas certain de la prononciation occitane, mais bon. Llegó pa' la brigada, familia alfada, el polígrafo enciende la fogata. Sube el humo, calla y acaparada. Barricada lista, aquí no pasará. Populista en escena, va a ser capitán. Idolatra, tonto del mito nacional. Guardia del orden de la puta moral. Et lungo tendré en lucetti, que la danse porte l'esper. D'un cadre balletti, salut que la flamme louca l'aime. Salut qu'on les armes, salut qu'on nous yels. La langue est d'une âme qui risque t'appelle. Salut qu'on les armes, salut qu'on nous yels. La langue est d'une âme qui risque t'appelle. Nous font des récitals, tribune libre à Zemmour ou Soral. Trop de prime time sur l'islam radical. Fabricant de méfiance, complotiste de tout bord. Le manque de culture et le terreau de ceux qui ont tort. Notre défiance est telle, l'unical coup de pelle. Mon micro camarade, la lutte est encore plus belle. Et l'on détendrait la scène, qui naissait aux amas. Contre la guillagne, c'est pénos. Luca nous porte d'abas. Luca, t'es la lame, l'option des calèles. T'es une arme, une estelle, al sel. Luca, t'es la lame, le fior des calèles. Luca, t'es une arme, une estelle, al sel. Des malingas ruinades, faraï barricade, héroudade. des blés, mais roudada rougan parle des speirades, d'escaladade, canson qui crème, du tas à la main, nous sommes faits les places, et tenez le bar, nous sommes une ridine per canta d'avant, nous sommes faits les masses, les tuves et les habits, nous sommes estrios et destacades, des cartan, les semi-estapes, des besoins d'armade, des verrettes nègres ou ben des drapeaux, des nains de l'estap, ils en bas de l'escale, sans tout dire des soutes, nous-mêmes et sous l'eau, elles fourbillent mes armes, des rimes à l'escale, des vers caressas, comme l'action ne fait. C'est jamais attaque, c'est moult la lagne. Moulou des frères répondra au rampeau. Barricada sur France Bleu Périgord, votre magazine dominical avec Nicolas Poche, chaque dimanche dès 11h et jusqu'à midi. L'invité sera Martial Perroni, professeur d'occitan au lycée Bertrand de Borne à Périgueux. Avec lui, on fera le point sur la situation de l'enseignement de l'occitan d'Ordogne, tout en détaillant les enjeux et les perspectives à venir. Isabelle Pierre sur France Bleu Périgord, le temps est bon. Le 16-19 avec la CAPEB d'Ordogne, première organisation professionnelle du BTP, défend, représente, forme et accompagne les entrepreneurs du bâtiment. Demain, dans France Bleu Périgord, à votre service. Offre trop attrayante, démarchage abusif, travaux mal réalisés, entreprises validées par leur certification et pourtant incompétentes, des sites trompeurs sur Internet, etc., etc. Les pratiques malhonnêtes en matière de travaux énergétiques sont malheureusement courantes et il est parfois très difficile en tant que particulier de se protéger. Vous allez pouvoir témoigner, vous allez pouvoir poser vos questions. Arnaud Lajugy, c'est le président de l'UFC Que Choisir en Dordogne. Il sera dès 9h sur France Bleu Périgord au micro de Sophie Vasseur. Mettons un coup de projecteur sur les pros avec Cerise de Groupama. Mais Jacques, vous ne pouvez pas continuer à travailler avec des béquilles, voyons. Si je m'arrête, Cerise, je n'ai plus de revenus. Et si je ferme, ici, il n'y aura plus de commerce. Avec les solutions de prévoyance Groupama Pro, nous pouvons assurer jusqu'à 100% de votre revenu en cas d'arrêt de travail. Ah, mais c'est très bien, ça. Les très petites entreprises font de très grandes choses. Et chez Groupama, nous sommes là pour les soutenir. Groupama, la vraie vie s'assure ici. Offre soumise à condition. Plus d'infos sur groupamapro.fr. Savez-vous qu'il est possible de désigner le Secours Populaire Français comme bénéficiaire de votre assurance vie ? Oui, et j'ai souscrit une assurance vie en faveur du Secours Populaire. Je leur fais confiance pour agir concrètement pour un monde plus juste et plus solidaire auprès des personnes qui en ont le plus besoin, près de chez moi, en France et dans le monde. Demandez notre documentation gratuite au 01 44 78 79 26 ou rendez-vous sur secourspopulaire.fr. Secours Populaire, on peut donner du bonheur, on peut aussi le transmettre. Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Périgord, ici, on parle d'ici. 16h29, une météo pluvieuse actuellement en Périgord. Un temps avec un ciel très très gris, bien sûr, un peu partout hein, sur l'ensemble du Périgord, avec des maximales qui vont de 19 à 22 degrés, 19 à La Coquille, au nord de la Dordogne, 20 degrés à Saint-Laurent-sur-Manoir, 21 degrés à Saint-Julien-d'Aymé, 22 à Carlu. Il y aura toujours de la pluie attendue jusqu'à minuit, voire même plus, et demain matin, on va se réveiller avec des minimales comprises entre 13 et 15 degrés. Demain jeudi, avec toujours un temps instable, il y aura, d'après le dernier bulletin de Météo France, toujours des averses le matin. Dans l'après-midi, on note une amélioration progressive. Le soleil reviendra et sera prédominant plutôt en fin de journée. Pour la nuit suivante, le ciel redeviendra fort nuageux avec toujours quelques pluies éparses. Pour ce qui est des températures maximales demain, elles seront comprises entre 21 et 24 degrés. Le 16-19 sur France Bleu Périgord, Bernard Guyot. Pour la prochaine demi-heure, vous allez jouer le Jixbox. Ça sera l'occasion de gagner une magnifique parka bleue, s'il vous plaît, taille XL pour vous, les déménageurs et les autres. Donc la magnifique parka bleue est à gagner. Il s'agira de reconnaître une introduction musicale. Qui est derrière cette intro ? Ça sera à vous de me le dire. Je vous donnerai une idée de sortie pour les prochains jours en Périgord. On fera un nouveau point sur le trafic routier. Nous serons tout avec Fanny Malek sur le numérique, car ça s'explique, et comment prendre soin par exemple de son ordinateur pour qu'il puisse durer plus longtemps, elle nous l'expliquera. Et puis enfin, dans quelques instants, c'est le portrait de la semaine avec Eliane Rigaud. Daniel Lévy, lui, nous chante L'envie d'aimer. L'envie d'aimer, c'est une aussi comédie musicale, celle des 10 commandements. C'est reparti d'ailleurs en hommage à Daniel Lévy. Et c'est aussi pour les 25 ans de ce spectacle, une billetterie d'ailleurs qui est ouverte. C'est tellement simple, l'amour, tellement possible, l'amour, à qui n'entend, regarde autour, à qui ne veut. C'est tellement rien d'y croire, mais tellement tout pourtant, qu'il vaut la peine tellement court, une vie tellement fragile, aussi que de courir après le temps, ne laisse plus rien à vivre. Ce sera avec Daniel Lévy sur France Bleu Périgord. Au micro de Théo Martin, depuis lundi, on découvre un petit peu mieux Éliane Rigaud, un nom qui parle forcément aux Périgourdins, puisque c'est la présidente de la SPA de Périgueux. Mais alors pourquoi la SPA particulièrement ? Alors particulièrement, c'est un concours de circonstances. En fait, lorsque je me suis trouvée à la retraite, mon objectif était de mettre mon temps à la disposition d'une association. J'avais souhaité aller plutôt vers des associations qui s'occupent des femmes qui sont battues, maltraitées, et Dieu sait s'il y en a de plus en plus maintenant en France. Mais la vie en a décidé autrement et la SPA est arrivée sur mon chemin alors que je ne l'attendais absolument pas. Une amie m'a parler de la SPA de Périgueux en me disant qu'il serait bon que je puisse essayer de rentrer au conseil d'administration déjà dans un premier temps et d'amener un sang nouveau puisque la SPA de Périgueux à l'époque n'avait pas une bonne renommée. Beaucoup d'euthanasies étaient pratiquées et moi je suis contre les euthanasies, donc j'ai souhaité, je me suis déplacée lors d'une assemblée générale. J'étais membre déjà de la SPA depuis 2 ans et j'ai souhaité me rendre à une assemblée générale. Je me suis rendu compte effectivement que c'était compliqué Et j'ai présenté ma candidature et j'ai été élue. Et puis derrière, a découlé tout ce qui devait découler normalement. C'est-à-dire que j'ai découvert des choses qui ne me plaisaient pas, aussi bien dans le fonctionnement du refuge, mais surtout dans le cadre de la protection animale. Donc, j'ai fait une profession de foi, dans laquelle je me suis engagée à ne plus pratiquer d'euthanasie de confort, comme on peut appeler ça dans certaines SPA. Celui-là parce qu'il est trop vieux, celui-là parce qu'il est trop ceci, celle-là parce qu'elle est trop moche, parce que tout... Non. Donc, on a mis en œuvre avec mon conseil d'administration toutes les structures pour pouvoir travailler correctement et dans une protection animale... Correct. On cherche des familles d'accueil, on cherche des solutions et on en trouve. Donc je suis venue complètement par hasard. Pourquoi? Parce que j'aime les animaux aussi. J'ai toujours eu des animaux dans ma vie. J'ai même fait aimer à mon mari, qui n'était pas très chat, les chats. Pour moi, c'était une belle victoire aussi, parce qu'il aimait pas les chats. Et lorsque l'on creuse un petit peu dans votre histoire, Eliane, on se rend compte que vous avez fait pendant longtemps du golf, un univers particulier qui résonne encore beaucoup dans votre vie. Et justement, on en parle avec vous demain. Entendu avec vous aussi, Théo Martin, tous les épisodes aux côtés d'Eliane Rigaud, la présidente de la SPA, sont à retrouver en podcast sur francebleu.fr et sur votre application ici. Dance the Night. Dua Lipa sur France Bleu Périgord. The Night avec Dua Lipa sur France Bleu Périgord. À suivre dans quelques instants, Fanny Malek avec le numérique qui s'explique et aujourd'hui comment prendre soin de son ordinateur pour qu'il puisse durer plus longtemps. Ça concerne beaucoup de monde. Ciné, théâtre.

quelques secondes. Et c'est terminé, à vous de jouer, à vous d'appeler 05 53 53 82 82. Le jukebox France Bleu Périgord. Et c'est reparti avec les années 80, les années disco. Village People sur France Bleu Périgord avant de connaître l'identité de notre gagnante ou de notre gagnant sur France Bleu Périgord. Young man, there's no need to feel down. I said, young man, pick yourself off the ground. I said, young man. People sur France Bleu Périgord. Le jukebox France Bleu Périgord. Nous partons du côté du Pizou pour y retrouver Christine. Bonjour, bonjour. Bonjour Bernard. Comment allez-vous ma chère Christine? Ça va bien. J'imagine qu'il pleut aussi là-bas. Ben, on a une petite éclaircie cet après-midi. Voilà, vous êtes le Pizou, pas très loin de Montpont-Ménestérol. Tout à fait. Oh, y a une belle actualité, dites-moi. Je crois savoir que vendredi, il y a le loto du comité des fêtes. Tout à fait. Et puis surtout, ce week-end, c'est les... Ah, ça y est, j'ai mangé le nom. La transhumance. Voilà. Ah, oui, ça vaut le coup d'aller voir la transhumance dimanche avec le comité des fêtes. C'est à voir depuis c'est le... Actif, oui, ah oui, il y a donc une transhumance, c'est vraiment avec tous ces magnifiques animaux à découvrir. Il y a même une course de brouette, je crois, dans le courant de l'après-midi. Le travail des chiens de berger, il y a des roulets de bottes de paille, la tonte de mouton. Enfin, il y a plein de belles choses. Allez-y, c'est voilà, dimanche. Voilà, le Pizou va être pendant quelques instants la capitale du Périgord. Voilà. Christine, revenons sur notre introduction musicale. C'est Rita Mitsouko, Mathia Bailal. Eh bien, c'est confirmé. Bravo. Et ce n'est pas totalement innocent hein, si aujourd'hui il s'agissait de retrouver Lerita Mitsuko, parce que la chanteuse Catherine Ringer fête aujourd'hui son anniversaire. Oui, 66 ans. Ah. Voilà, 2-6, 66 ans Catherine Ringer. Voilà, elle ne les fait pas. En tout cas, c'est son anniversaire et de toute façon, Émilie Mazoyer tout à l'heure en dira deux mots. Pour vous, en tout cas, c'est gagné, c'est la parka France Bleu Périgord. Très bien. Elle est bleue. Bon, mais ça va bien, j'aime bien le bleu, c'est bah, bon. Ça tombe bien, c'est France Bleu. Et pour la taille, qu'est-ce que l'on fait, Christine ? Oh, ben une XL, hein, faut bien le faire. Une XL, eh bien allez, vendu, c'est pour vous, c'est pour Christine. Merci beaucoup d'avoir joué. Merci beaucoup. Au revoir, bonne fin de journée. Merci. Le Jukebox, France Bleu Périgord. Et nous en remettrons bien sûr en jeu dans les prochains jours sur France Bleu Périgord. Voici Zaz, Serendipia. Sur le chemin de ma quête, je guette les imprévus, les à côté. C'est pas la fin qui m'intéresse, je sais que la vie m'a déjà tout donné. Sur la route avant tout, sur la route avant tout. Quand je doute et que je prends des cours, quand je prendrai respiration, une destination et je rejoins. De cuero y andar. Que hay tantos ríos y tanta maleza que pesa sin nadie detrás. Esa es la actitud, esa es la actitud. Caminar sin pensar la altitud. Cuando no veas salidas, recuerda que el bosque es más grande que tú. Avec Zaz et Léo Rizzi sur France Bleu Périgord. France Bleu Périgord, demandez le programme. Une très belle journée dédiée aux oiseaux. C'est au jardin suspendu de Marquessac, tout près de Cassenot-la-Chapelle. Ça sera le dimanche 29 octobre. Il faut savoir que chaque année, à l'automne, des centaines de millions d'oiseaux migrateurs quittent leur lieu de reproduction et entament un long vol vers leur zone d'hivernage, parfois située à plusieurs milliers de kilomètres. Ils effectueront le voyage en sens inverse au printemps. Mais savez-vous par exemple que certains oiseaux des jardins migrent la nuit ? En tout cas, on va vous proposer d'en apprendre beaucoup plus sur la migration des oiseaux et de tester vos connaissances d'ailleurs tout au long de cette journée du dimanche 29 octobre, faite d'expositions, de jeux, de conférences, d'animations. On en saura plus pour apprendre et s'enrichir du monde qui nous entoure. Ces jardins suspendus de Marquessac, c'est donc le dimanche 29 octobre, une journée dédiée donc aux oiseaux avec des ateliers de construction pour les mangeoires, pour les nichoirs. Il y aura aussi des jeux de piste. Vous pourrez partir à la découverte des migrateurs. Il y a quantité de belles choses à découvrir. À suivre dans la prochaine demi-heure, nous parlerons de musique classique avec le concert de dimanche qui aura lieu en l'abbatiale de Pona en Périgord Vert avec Musique en Sol et son président Bernard Hautefort. Nous connaîtrons tout du programme. Je sens qu'il y a du Mozart dans l'air. Le 16-19 avec la CAPEB Dordogne, première organisation professionnelle du BTP, défend, représente, forme et accompagne les entrepreneurs du bâtiment. Chaque soir sur France Bleu, toute l'actu de la Coupe du Monde de rugby est à 100% dans le mag. Dominique Bourdeau. Après 37 ans de séparation, voilà deux coqs qui se sont retrouvés depuis 2018. Le coq sportif est à nouveau l'équipementier de l'équipe de France 2 rugby avec un maillot totalement fabriqué en France. Le PDG du coq sportif, Marc-Henri Bossire, est notre grand témoin. Le mag 100% Coupe du Monde de rugby, chaque soir sur France Bleu, dès 18h. France Bleu présente la comédie musicale incontournable Le Roi Lion. Applaudie par plus de 850 000 spectateurs, toutes générations confondues, la troupe du Roi Lion revient pour une troisième année sur la scène du Théâtre Mogador. Un spectacle grandiose. Le Roi Lion, uniquement au Théâtre Mogador à Paris. Avec France Bleu. Bienvenue chez Écoutez Voir. Et là, vous entendez mieux? Comme quoi, le plus gros effort pour bien entendre, c'est encore de pousser la porte. Et oui, chez Écoutez Voir, le bilan auditif est gratuit. Et les aides auditives libres de la gamme Confort ne vous coûtent rien. Alors n'attendez plus pour bien entendre. Écoutez Voir, optique et audition. Mutualiste. Dispositif médical, demandez conseil à votre audioprothésiste. Lire attentivement la notice. Dans le cadre du 100% santé, bilan à but non médical. Point de vente soumis au code de la mutualité. Conditions sur écoutezvoir.fr. Du 20 au 22 octobre, rendez-vous au parapluie de Pic Caillou pour visiter deux salons en un. Le salon de l'habitat. Tout pour construire, à rénover, à aménager, changer son chauffage. Et le salon du goût, du bon, du beau. Un rendez-vous gourmand où vignerons et producteurs vous attendent. Tous les midis, venez déjeuner aux tables gourmandes. Les salons de toutes vos envies. Du 20 au 22 octobre à Bergerac, Pic Caillou. Entrée gratuite. France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Périgord. Et ici, il est 17h. Un point sur l'actualité avec vous, Charlotte Joutran. Et la pluie semble s'être arrêtée, Bernard. Est-ce que ça va continuer ce soir? Oui, ça va reprendre de plus belle. Ah, ça va reprendre et demain aussi. Je vais vous détailler tout cela dans 3 minutes. 70 CRS sont arrivés en Dordogne pour aider les gendarmes à évacuer les derniers fêtards d'église neuve d'Issac. 4 jours après le début de la rave party illégale, encore plusieurs centaines de participants sont sur place dans ce champ. Les gendarmes les contrôlent à la sortie et saisissent le matériel de sonorisation pour l'enquête. 9 camions avec des enceintes ont été saisis. 24 Français ont été tués dans les attaques terroristes du Hamas et 7 sont toujours portés disparus au Proche-Orient. Elisabeth Borne a donné un nouveau bilan de la situation et annonce un débat au Parlement sur les affrontements entre le Hamas et l'armée israélienne qui riposte sur la bande de Gaza la semaine prochaine. Israël autorise cet après-midi le passage de l'aide humanitaire à Gaza si elle passe par l'Égypte. L'aéroport de Bergerac en Dordogne n'en a pas reçu, mais au moins une dizaine d'aéroports en région ont été évacués suite à des menaces d'attentats, bien souvent envoyées par mail, comme en Nouvelle-Aquitaine, ceux de Bordeaux, Pau, Biarritz ou ailleurs, Strasbourg, Nantes ou Toulouse. Des vols ont été retardés, des avions déroutés par précaution. Des élèves ont perturbé l'hommage à Dominique Bernard. L'un d'eux a menacé de mettre une bombe. D'autres ont fait semblant de tirer avec une arme. L'éducation nationale recense plus de 350 signalements pendant cette minute de silence lundi, en hommage à ce professeur assassiné à Arras et en mémoire aussi à Samuel Paty. Tous ces signalements sont remontés au procureur de la République. Dans leurs établissements, les élèves concernés passeront en commission de discipline. Ils risquent jusqu'à l'exclusion immédiate. Dans le mag 100% Coupe du Monde de rugby, un champion du monde de foot, Bichente Lizarazu, est l'invité juste après le journal de 18h pour parler de la suite de la compétition et de cette question que l'on se pose tous. Est-ce que l'on va continuer à regarder alors que la France a été éliminée en quart de finale? Pierre Perret fait ses adieux provisoires ce soir à Bergerac. Le chanteur de 89 ans s'arrête en Dordogne pour sa tournée au centre centre culturel Michel Manet. Si vous n'avez pas pu réserver de billets, son interview est à réécouter sur le site France Bleu Périgord. Une petite accalmie, Bernard, mais la pluie reprend. Oui, actuellement, c'est vrai qu'il y a quelques éclaircies au-dessus de Périgueux, mais il pleut ici et là en Périgord actuellement. Et effectivement, l'accalmie va être de courte durée puisque nous allons retrouver de la pluie dans le courant de la fin de journée, même dans la soirée. Demain matin, on va se réveiller avec des minimales comprises entre 13 et 15 degrés. Et Météo France nous annonce un temps instable pour demain, jeudi, avec des averses le matin. Dans l'après-midi, une amélioration progressive. Le soleil sera quand même relativement discret. Le ciel, lui, sera beaucoup plus nuageux avec toujours quelques pluies. Le maximum de pluie est attendu du côté du centre de la Dordogne. 25 mm est attendu. Pour les maximales, elles seront comprises demain entre 21 et 24 degrés. Et sachez, Charlotte, que pour vendredi, le ciel sera encore bien chargé. Il y aura en revanche un peu moins d'averses tout au long de la journée. Une amélioration d'ailleurs donc vendredi, malgré le fait qu'il y aura du vent avec des rafales qui pourraient atteindre les 65 km/h. Pour les maximales, elles sont en baisse de 16 à 18 degrés pour vendredi. La météo 100% locale avec le groupe La Brégère, expert comptable et gestion sociale et fiscale, votre partenaire depuis plus de 50 ans. Le 16-19 sur France Bleu Périgord, Bernard Guyot. Pour les 30 prochaines minutes, un point sur le trafic routier en Dordogne, une idée de sortie pour les prochains jours en Périgord et dans quelques instants, je vous l'ai dit, nous allons parler de l'abbatiale de Pona en Périgord noir, cette magnifique abbatiale qui va accueillir de la musique classique. Il y aura du Mozart dans l'air, on va tout savoir avec le président de Musique en Sol. Lecture, cinéma, musique, c'est le 16-19 sur France Bleu Périgord. Le temps de vous proposer d'écouter Katy Perry sur France Bleu Périgord avec Firework. Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel this so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? For you, 'cause there's a spark in you. You just gotta ignite the light and let it shine just on the night, like the 4th of July. 'Cause baby you're a firework. Come on, show 'em what you work. Make 'em go. France Bleu Périgord. Vous venez d'écouter Katy Perry avec Firework. Toutes les idées de découverte et de sortie sont dans le 16-19 de France Bleu Périgord. Nous allons parler de musique classique en se rendant à l'abbatiale de Ponin. Rendez-vous qui vous attend pour un concert dimanche avec le président de Musique en Sol. Nous allons en parler. Bonsoir Bernard Hautefort. Oui, bonjour. Le programme de dimanche, c'est une version de plus des célèbres Requiem de Mozart ou pas? Oui, tout à fait. Alors, en deux mots, si vous savez, c'est le dernier concert de la saison, c'est le concert d'automne de notre 32e édition, qui a été particulièrement brillante cette année, avec un Didon aîné d'anthologie. Et nous avons là une rencontre avec une œuvre qui, en deux mots, est la suivante. Le Requiem de Mozart, bon, c'est un des sommets de l'art choral, et c'est intensément émotionnel, religieux, humain, c'est inachevé. Mais surtout, au fil du temps, ça a pris une importance considérable parce que tous les orchestrations romantiques ont multiplié l'orchestration et que les voix se sont perdues. Ça a été très invasif et notamment par la plus célèbre, celle de Czerny, où on n'entendait que des instruments et on n'entendait pas les voix. Alors, il y a eu immédiatement une réaction, et ce qu'on va donner dimanche après-midi, c'est une version qui est très particulière, qui a été faite en 2020, donc très récemment, par un compositeur qui s'appelle Raymond Alessandrini, qui a rencontré énormément de succès, où, si vous voulez, on a redonné aux voix toute leur ampleur, et au lieu d'avoir ce gigantesque orchestre qui les couvre très souvent, il a réparti toute la partition orchestrale entre deux pianos et des cymbales, en apportant une intimité, une délicatesse à une œuvre qui est tellement majestueuse. Et je dois dire que moi, j'étais très très surpris la première fois que je l'ai entendu, parce que ça a quelque chose de tout à fait extraordinaire. Et en plus de ça, bon, notre abbatiale de Ponin se prête terriblement bien au grand chœur et même temps aux grands orchestres. Donc on avait donné un Stabat Mater de Jenkins il y a quelques années qui a laissé un souvenir tout à fait extraordinaire. Alors du coup, on a 70 choristes sous la direction de Michel Lopiteau, qui est bien connu de tous les choristes du Périgord, et qui, ce cœur du festival, est fait avec des choristes de Chantemonde et de Pro Musica. Et il y a 5 solistes qui vont tenir le coup, d'ailleurs, parce qu'avec 72 choristes, il vaut mieux très très bien faire passer ce qu'il faut. Et ça sera une grande surprise, parce que il y a quelque chose de tout à fait étonnant, notamment avec ces deux pianos et cette cymbalière. Voilà. Alors, je crois que c'est tout à fait intéressant. La capacité de l'abbatiale est de combien? Magnifique. Bernard Hautefort, la capacité de l'abbatiale de Ponin peut loger combien de personnes? 400 personnes. Il y a déjà les 72 qui seront sur scène. Pour le Didon aîné, on n'avait pas une seule place de libre. Je crois qu'on en avait 400 bas. Voilà. Donc, des places qui sont en vente encore à l'office de tourisme du Grand Périgord, Saint-Albert. Là, maintenant, vous les prenez directement en arrivant à l'abbatiale une demi-heure avant, donc à 16h30. C'est un placement libre, ce que l'on fait quand on a des concerts d'automne. C'est donc on peut rentrer à partir de 16h30. Il y a déjà beaucoup de monde, mais il y aura des places. Les places sont à 25€ et à 15€ pour tous les handicapés, demandeurs d'emploi, moins de 25 ans. Il reste des places, il y en a déjà beaucoup qui ont été prises, parce que c'est quelque chose qui attire beaucoup le monde. Cette œuvre est tellement exceptionnelle que, ouais, je veux dire, on a envie de l'entendre. Tenez, justement, on va écouter un extrait du Requiem. Ah, Un requiem en ré mineur, donc Mozart, Amadeus, Mozart, voilà, pour donc ce concert qui vous attend. C'est à 17h que ça débutera, c'est ce dimanche en la basse-salle de Pona. Merci beaucoup Bernard Hautefort, je rappelle que vous êtes le président de Musique en Sol. À très bientôt. Au revoir. France Bleu Périgord vous offre vos plus beaux cadeaux. J'ai moi deux invitations pour aller assister au concert d'automne de Musique en Sol qui donc va se dérouler à 17h en la basse-salle de Pona sous la direction de Michel Lopiteau. Vous êtes intéressé? Eh bien, c'est à vous tout simplement d'appeler. Les premiers arrivés seront les mieux lotis. À vous de jouer au 05 53 53 82 82. Demain dans Bienvenue chez vous, nous aurons l'occasion de retrouver, après l'artichaut de Jérusalem, la truffe du Canada ou le soleil vivace, le topinambour qui se consomme cru et cuit et qui fait partie des légumes longtemps oubliés de nos tables. Éric Lambert de la ferme de l'Ermitage à Foulex les cultive et nous dévoile un vrai savoir-faire. Vous allez pouvoir jouer pour gagner 50 euros offerts par la Chambre d'agriculture de Dordogne. C'est à 10h40 sur France Bleu Périgord. Aux côtés de Marie-Dominique Privé. Ikea. Attends, attends, t'es prêt là? Tada! Waouh, sympa la déco, mais on est où? Bah, mon amour, on est chez nous. Ah ouais, t'as vraiment fait plein de bonnes affaires. Aménagez votre intérieur à petit prix avec nos bonnes affaires. Jusqu'au 9 novembre, avec la carte gratuite Ikea Family, la chaise d'extérieur Ascolmen est à 20 euros au lieu de 40. Conditions sur Ikea.fr. Le 16-19 sur France Bleu Périgord. Bernard Guyot. 17h15, un mot du trafic actuellement sur les différentes routes de Dordogne avec toujours ce ralentissement sur Bergerac qui nous est signalé sur la rue Calmette. Vous avez aussi tout à côté de la voie de chemin de fer au niveau de la rue Rodolphe Bruzac un léger ralentissement et puis alors aussi quelques coups de frein mais vraiment rien de bien méchant, rue de la Résistance à Bergerac. Sur Périgueux, c'est un petit peu plus prolongé. Dirons-nous avec en centre-ville la rue Wilson, la rue Victor Hugo, le boulevard Montaigne, l'avenue Georges Pompidou, le boulevard Bertrand de Borne, la bretelle du bassin et puis en vous dirigeant vers l'est sur Trélissac, vous avez toujours l'avenue de l'automobile. En allant sur Boulazac, le manoir, c'est du côté du quartier Saint-Georges et la route de Lyon. Et puis à l'ouest, c'est bien sûr la route d'Angoulême. Et si vous voyez d'autres ralentissements, n'hésitez pas à nous le faire savoir. L'infotrafic 100% local avec Meubles du Manoir, Espace Balança, la plus grande surface d'ameublement, de salon et de literie en Dordogne. À Saint-Laurent-sur-Manoir, Espace Balança. Une des belles balades actuellement à écouter, c'est avec le duo Stéphane et Petit K, Mieux comme ça. J'ai commencé par enlever ta photo qui s'affichait au-dessus de ton numéro. Où t'avais ce sourire subtil, moitié de face, moitié de profil, prise au hasard dans ce resto. Il m'a fallu ôter ma bague, passer l'or de tes plans drague. Où t'avais fini par me séduire de ces longues heures et de ces fous rires et tes regards entre deux blagues. Mais les jours ont filé en moins de deux, la flamme s'est éteinte dans nos yeux. Et toi, est-ce que tu crois? Partageant les torts et les fautes, en se séparant l'un de l'autre. Est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que tu crois que c'est mort? Est-ce que tu crois qu'on a tort de faire ça? On se voyait devenir vieux, est-ce que tu penses que c'est mieux? Mieux comme ça? Est-ce que tu crois que c'est mort? Est-ce que tu crois qu'on a tort? C'est fou, mais partout je passe, je peux encore te suivre à la trace. Chaque minute, chaque heure, chaque jour qui passe, je ressens ton reflet dans la glace. J'ai encore tes graines dans mes placards, tes laines dans mes armoires, tes crèmes dans mes tiroirs, tes scènes dans ma mémoire et tes peines dans mes cauchemars. Les jours ont filé en moins de deux, la flamme s'est éteinte dans nos yeux. Et toi, est-ce que tu crois?

Englishman in New York avec Sting sur France Bleu Périgord. France Bleu Périgord, demandez le programme. Une journée mycologique aura lieu à Saint-Cyprien ce vendredi. Vous aurez donc une matinée consacrée à la cueillette des champignons en compagnie de la Société Mycologique du Périgord. Le rendez-vous est sur l'esplanade entre le Grand Hall et le Petit Foyer, rue de la Grange des Pères, à partir de 8h45, donc à Saint-Cyprien. Au retour, il y aura le triage et une exposition de la récolte qui sera au Grand Foyer. Et puis à 16h30, une conférence de Benoît Père qui nous fera découvrir de façon ludique et interactive le monde insolite des champignons. C'est une journée qui sera clôturée par un pot de convivialité, une animation organisée par la municipalité de Saint-Cyprien en partenariat avec le grand site Vallée-Vézère. Sachez que c'est gratuit. Allez-y découvrir cette magnifique journée mycologique. C'est ce vendredi donc à Saint-Cyprien. Rendez-vous au Grand Foyer à 8h45 pour la cueillette. Patrick Fiori, Florent Pagny, j'y vais. S'il faut marcher une vie entière pour voir mon enfance dans les yeux, j'y vais. S'il faut retrouver sa lumière quand la chandelle en vaut le jeu, j'y vais. Comme un tout premier regard, le début de mon histoire, et dans chacun de nos pas chacun de nous. Chacun de nos pas. Fury Pagny, j'y vais. Patrick Fury qui sera en concert d'ailleurs le 7 décembre 2024. Hein, pas ce décembre-là, celui d'après à 20h sur la scène du Palio. Mais sachez que les places sont déjà en vente. Le 16-19 avec la CAPEB Dordogne, première organisation professionnelle du BTP. Défend, représente, forme et accompagne les entrepreneurs du bâtiment. Pourquoi préférer MAF Pro ? Toi qui es chef d'entreprise, t'as pas peur ? Peur de quoi ? Ben, je sais pas, si toi ou un de tes salariés provoquait des dommages chez un client, ça peut te coûter très cher. T'inquiète, même les pros ont droit à l'erreur. Avec la garantie responsabilité civile de mon contrat MAF Pro, je suis couvert. Voilà pourquoi je préfère MAF Pro. Et du 2 au 31 octobre, profitez de 3 mois gratuits sur votre nouveau contrat multirisque pro. Conditions de l'offre sur maf.fr. Vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Périgord, ici, on parle d'ici. Quasiment 17h30, un mot de cette météo qui est bien pluvieuse sur l'ensemble du Périgord, avec des températures qui cet après-midi allaient de 19 degrés en Périgord vert à 22 dans la partie sud de la Dordogne, comme à La Force ou Saint-Julien-d'Aymé ou encore Salignac-et-Vigue. Des pluies éparses encore sont attendues jusqu'à minuit, voire même jusqu'à l'aube, bref, tout au long de la nuit, d'après le dernier bulletin de Météo France. Les minimales demain matin seront comprises entre 13 et 15 degrés au lever du jour. La journée de jeudi sera encore instable avec des averses le matin. Pour l'après-midi, il y aura une amélioration progressive et le soleil deviendra prédominant. Pour la nuit suivante, eh bien, le ciel sera à nouveau nuageux avec encore quelques pluies éparses. D'ailleurs, un maximum de pluie attendu est de l'ordre de 25 mm dans le centre de la Dordogne. Pour les maximales de jeudi, elles seront comprises entre 21 et 24 degrés. Pour vendredi, eh bien, c'est encore un ciel chargé avec toujours quelques averses qui peuvent survenir tout au long de la journée, avec une baisse des températures aussi, puisque vendredi après-midi, les maximales iront de 16 à 18 degrés. Le 16-19 sur France Bleu Périgord, Bernard Guyot. D'ici à 18h dans cette prochaine demi-heure, je vous donnerai une idée de sortie pour les prochains jours. Il y aura l'actualité musicale qui vous sera présentée par Émilie Mazoyer, mais dans quelques instants, nous allons parler de cinéma avec le CGR de Périgueux. Juste avant, voici Big Mountain sur France Bleu Périgord. Baby, I love your way. Oh, baby, I love your way. Every day, yeah, yeah. see the sunset in your eyes, brown and gray. Baby, I love you way avec Big Mountain sur France Bleu Périgord. Tous au cinéma avec France Bleu Périgord. Et plus que jamais avec ce temps, un temps pluvieux. Bonsoir Cyril Gaudin. Bonsoir tout le monde. Le directeur du CGR de Périgueux avec le mauvais temps. C'est vrai qu'on va encore plus au cinéma et ça tombe bien parce que le mercredi il y a une belle programmation et alors en sortie nationale il y a la sortie notamment d'une année difficile. Oui, le dernier Nakache et Toledano, ceux qui avaient fait notamment le sens de la fête, qui avait fait tout un tas. On connaît leur film Intouchable. C'est une comédie. Oui, c'est une comédie. Alors, c'est une comédie toujours dans l'esprit social, puisque là, ils vont parler un peu d'écologie, ils vont parler aussi des personnes qui sont surendettées, mais le tout avec un humour et une énergie qui rend le film toujours très agréable. Oui, alors ils sont plus attirés par la bière et les chips gratuites que par leurs arguments. Normalement, ils doivent aller, ils sont surendettés, je crois savoir. Alors, ça, c'est Pio Marmaille et Jonathan Cohen, oui, qui jouent le rôle de deux mecs qui sont en total surendettement et qui, par le hasard, vont se retrouver dans un bar écolo où on choisit de donner ce qu'on veut pour boire une bière et ça va déclencher une rencontre avec des militants écolos. Ils vont se mettre dans ce combat-là sans vraiment être des vrais militants. Et puis ça va dans le cinéma de Nakache et Toledano, c'est toujours une histoire de relations et de rencontres. Donc c'est cet esprit-là qu'on va retrouver dans ce film-là. J'ai le sentiment que les dettes, les crédits, tout ça, ça vous est familier. La situation n'est pas très brillante. Et si ça peut vous rassurer, on n'est pas vraiment encore au fond. On n'est pas loin, mais on n'y est pas encore. Franchement, ça me rassure énormément. Si vous voulez boire des coups et parler justice sociale, on est à la ruche. J'y vais. Attends, tu veux pas boire un coup? Je t'invite. Puis la ruche, c'est très sympa, c'est gratuit en plus. Donc toi, tu m'invites, mais c'est gratuit? Ouais, c'est exactement ça. Certains prévoient 45 degrés en 2050. Je suis désolé, hein, c'est un traquenard. Peut-être que vous êtes simplement venu boire une bière gratuite. Nous, on est vraiment venu pour parler justice sociale avec mon copain, là. Excuse-moi, tu peux mettre deux bières, s'il te plaît? C'est prix libre, tu choisis entre 0 et 5 euros. Je vais te donner 0. C'est fort, hein. Ça va être tellement génial de passer un Noël avec toi. Et c'est pas cher. Et c'est pas cher. Voilà pour cette année difficile, une belle comédie à découvrir, entre autres au CGR de Périgueux. Et puis, c'est peut-être le futur carton pour cet automne, c'est le nouveau Martin Scorsese. Oui, qu'on attend avec beaucoup d'impatience, qui avait été présenté hors compétition au Festival de Cannes. Là, c'est une page de l'histoire américaine que Martin Scorsese décide de traiter, qui est assez méconnue. On est au début du XXe siècle, une tribu indienne, la tribu des Osages, possède des terres sur lesquelles se trouvent du pétrole. Et donc, dans un premier temps, c'est plutôt assez positif pour eux, parce qu'ils vont exploiter et devenir assez riches en exploitant ce pétrole. Sauf que ça ne va pas plaire aux Américains dits blancs, qui vont décider de les spolier de ce pétrole par une politique du mariage, c'est-à-dire qu'ils vont, des blancs américains vont se marier avec des indiennes, et petit à petit, bizarrement, beaucoup d'indiens vont disparaître, vont mourir, et ça va déclencher une enquête enquête américaine qui va être déclenchée par un organisme qui n'est pas encore le FBI. Ce sont les premières enquêtes du FBI et c'est cette fresque historique que va nous déployer Martin Scorsese pendant 3 heures. Ouais, 3h26 si je regarde bien. Killer of the Flower Moon, c'est le titre hein, oui. de ce film. Et à la distribution, c'est pas mal aussi. Ah oui, c'est là on retrouve les deux acteurs fétiches de Martin Scorsese, à savoir Robert De Niro et Leonardo DiCaprio. Et on retrouve aussi une actrice qui a fait fureur, une actrice indienne qui s'appelle Lily Gladstone. C'est donc un drame, c'est encore un film historique, c'est du Martin Scorsese, donc Killer of a Flower Moon, qui est à voir d'ailleurs tout à l'heure, dans moins d'une heure, à 18h30 par exemple. En version originale ou en version française, ouais, au choix. Oui, c'est ça, à 19h50 pour la version originale sous-titrée. Oui. Et nous avons aussi eh bien, le retour de Troll, Troll numéro 3. Oui, alors on a déjà fait le plein avec la Patte Patrouille. Là, maintenant, on va passer au Troll numéro 3. Donc là, on va retrouver Poppy et Branch, qui sont cette fois-ci en couple, pour ceux qui suivent un peu l'histoire. Et de nouvelles aventures vont leur arriver, avec une nouvelle découverte incroyable, mais je n'en dis pas plus. Gardons le secret. Bien, eh bien écoutez, en tout cas, ça sent les vacances, ça sent aussi le cinéma. Allez-y en famille, avec vos enfants, il y en a vraiment pour tous les goûts. Entre cette fresque historique de plus presque 3h30 de Martin Scorsese, entre Pour les enfants, Troll numéro 3, et puis avec cette comédie Une année difficile, vous en avez vraiment pour tous les goûts. Merci bien et bonne future Merci séance, Cyril Gaudin. Au revoir. France Bleu Périgord, à l'affiche en Dordogne. Beaucoup d'autres films évidemment à voir, allez-y au cinéma. Tenez, dans le cinéma Vox à Montignac-Lascaux, demain, jeudi, il y a un ciné-débat sur le thème métier d'homme, métier de femme. C'est autour du film Sage Homme, une comédie de Jennifer De Volder avec Karine Viard. C'est l'occasion de se divertir. Ce film donc est un bijou d'impertinence, d'humour et de pédagogie. Il sera suivi, ce film, par un débat avec Tony Chapuis qui sera présent. Donc c'est à découvrir. Et puis sachez, puisque c'est dans le cadre de Ciné Étoile, que le 20 octobre prochain au cinéma Luxe de Buisson de Cadouin, il y aura encore Tony Chapuis et Charlotte Godefroy pour Sage-Femme Libérale qui seront là aussi pour vous accueillir. Quantité d'autres films sont à voir, choisissez celui qui vous convient. Moi je vous invite à gagner 2 entrées pour aller au CGR de Périgueux. On a évoqué donc ce futur carton Killer of the Flower Moon de Martin Scorsese. On a cité dans la distribution 2 acteurs fétiches de Martin Scorsese. Il y a d'un côté Leonardo DiCaprio et de l'autre, quel est cet acteur américain, pas tout jeune mais ô combien brillant. Vous avez son nom, si vous l'avez, vous nous appelez. C'est pour tout de suite. Tous au cinéma avec France Bleu Périgord. 05 53 53 82 82. Chaque jour me reviennent comme un flash au réveil. Je sais dorénavant, si t'es tout ce qu'il me reste, la vie en vaut la peine. Tous nos rires d'avant, chaque jour me reviennent comme un flash au réveil. Je sais dorénavant, si t'es tout ce qu'il me reste, la vie en vaut la peine. Le plus beau cadeau que la vie m'ait fait, évidemment c'est toi, on aura des victoires malgré nos défaites. Je resterai là, et dans tes beaux yeux je vais y semer des millions d'étoiles, n'oublie pas, n'oublie jamais. Tous nos rires d'avant, chaque jour me reviennent comme un flash au réveil. Je sais dorénavant, si t'es tout ce qu'il me reste, la vie en vaut la peine. Parce que c'est toi. Parce que c'est toi. Je t'ai dans le cœur, je t'ai dans la tête. Je te vois partout, tes yeux dans mes yeux et le temps s'arrête. J'en deviens fou, quand j'étais cassé, t'as su me donner un nouveau souffle, j'oublie pas. Non, j'oublie jamais. Je peux pas douter, dès que je t'ai vu, j'ai su que t'étais la bonne. Tombée du ciel, j'étais perdu, mais t'as su changer la donne. Partout où je vais. fais, je sens ta présence. J'entends ta voix qui résonne. J'ai besoin de toi pour exister. Et tous nos rires d'avant, chaque jour me reviennent comme un flash au réveil. Je sais dorénavant, c'était tout ce qu'il me reste. La vie en vaut la peine, juste parce que c'est toi. Cora, parce que c'est toi sur France Bleu Périgord. Tous au cinéma avec France Bleu Périgord. Et nous accueillons Martine, bonsoir. Bonsoir. Qui nous appelle de Périgueux. De quel quartier de Périgueux êtes-vous, Martine ? Du quartier de l'hôpital. Le quartier de l'hôpital, sur les hauteurs. Sur les hauteurs nord, oui. Et là, vous avez du soleil, n'est-ce pas ? Actuellement, oui, un rayon de soleil. Voilà, c'est ça. Et voilà, une petite éclaircie qui n'est que de courte durée sur Périgueux, mais bon, bah écoutez, profitons-en. Est-ce que vous aimez aller au cinéma, Martine ? Ah oui. Il y a des acteurs que vous aimez particulièrement ? Oui, j'aime bien Pio Marmaille, j'aime bien Leonardo DiCaprio, j'aime bien... il y en a beaucoup que j'aime bien. Alors, vous évoquiez Leonardo DiCaprio, et justement à ses côtés, dans le film de Martin Scorsese, c'est qui ? C'est Robert De Niro. Absolument, bravo, félicitations, c'est la réponse que j'attendais. À vous donc les deux entrées pour aller voir le film de votre choix au CGR de Périgueux. Donc vous aurez juste à descendre l'avenue de Paris pour aller en bas donc voir le film de votre choix. Vous avez une idée du film que vous allez voir ? Est-ce que justement, quelle heure est à voir ? Je pense qu'on va aller voir Le Règne Animal, ou bien Une Année Difficile. On hésite. Bon, eh bien écoutez, prenez le temps de la réflexion. De toute façon, quel que soit votre choix, on vous souhaite une bonne future soirée cinéma, Martine. Eh bien, merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. C'est l'euphorie dans votre concession Renault-Euphorie. Jusqu'au 31 octobre, 400 véhicules toutes marques à prix coûtant. Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Attention, stock limité, il n'y en aura pas pour tout le monde. Conditions dans vos concessions Forêt Renault à Bergerac, Périgueux et Sarlat. Pensez à covoiturer. Du 20 au 22 octobre, rendez-vous au Parapluie de Picquet-Cailloux pour visiter deux salons en un. Le salon de l'habitat, tout pour construire, rénover, aménager, changer son chauffage. Et le salon du goût, du bon, du beau. Un rendez-vous gourmand où vignerons et producteurs vous attendent. Tous les midis, venez déjeuner aux tables gourmandes. Les salons de toutes vos envies. Du 20 au 22 octobre à Bergerac, Picquet-Cailloux. Entrée gratuite. À tous ceux qui ont un dégât des eaux ou une surconsommation qui enflamme leur facture d'eau. À ceux qui ont besoin d'une réparation sur leur réseau d'alimentation d'eau ou d'évacuation. Et à ceux qui ont un projet de rénovation de salle de bain. Désormais, Maintenance Francilienne intervient dans votre secteur. Intervention rapide et devis gratuit. Agréé groupe d'assurance, nous sommes les plombiers à votre service. Plus d'infos au 09 73 45 18 18 ou sur maintenance-francilienne.fr. Maintenance Francilienne, la solution à votre dégât des eaux. Le 16-19 sur France Bleu Périgord. Bernard Guyot. 17h46, on fait la route ensemble à Bergerac, le boulevard Chanzy est quelque peu encombré sur Périgueux, c'est l'avenue Michel Grandoux en allant sur Trélissac qu'il est, et dans le centre-ville nous avons la rue Victor Hugo, la route d'Angoulême, nous avons aussi le cours Saint-Georges qui se trouve légèrement encombré, ainsi qu'au niveau de Boulazac-Ile-Manoir aux alentours de la départementale 6089, et puis sur la bretelle du bassin et l'avenue du Maréchal-Juin. Voilà pour les principaux ralentissements. Bonne fin d'après-midi, que vous soyez sur les routes ou tout simplement à la maison. L'infotrafic 100% local avec Meubles du Manoir, Espace Balança, la plus grande surface d'ameublement, de salon et de literie en Dordogne. À Saint-Laurent-sur-Manoir, Espace Balança. Comme chaque jour, on évoque l'actualité musicale avec Émilie Mazoyer. Salut tout le monde! Émilie, au rapport pour votre dose quotidienne d'actualité musicale. La reine de France fête aujourd'hui son 66e anniversaire. Bah oui, on a une reine. N'étiez pas au courant ? C'est comme ça.

Juste après le journal de 18h, vous retrouverez votre magazine 100% Coupe du Monde présenté par Dominique Bourdeau et Arnaud Carré. Il s'agira de savoir si vous allez regarder les demi-finales de la Coupe du Monde, malgré le fait que le 15 de France soit éliminé. Et puis, autour de Dominique Bourdeau et Arnaud Carré, l'invité principal sera Marc-Henri Bozir, le patron du Coq Sportif, l'équipementier du 15 de France. D'autres invités comme Jacques Rivoal, le président de France 2023, l'organisateur de la Coupe du Monde sur la sécurité, avec le niveau Vigipirate qui est relevé. Et puis, on parlera aussi avec Vicente Lizarazu, l'ancien champion du monde de football, consultant à Radio France, qui lui aussi parlera de rugby. C'est à suivre juste après l'info de 18h. France Bleu, le MAC 100% Coupe du Monde de rugby. Le 16-19 avec la CAPEB Dordogne, première organisation professionnelle du BTP, défend, représente, forme et accompagne les entrepreneurs du bâtiment. MMA, Business Entreprise. Jusqu'au 25 novembre 2023, 50% offert sur l'assurance dirigeant. MMA. Moins 50% sur la première cotisation annuelle. Condition en agence. Je te dis que je t'aime. Certaines phrases sont tellement plus belles quand elles sont chuchotées. Ce serait dommage de s'en priver. Parce que vous méritez d'entendre le moindre chuchotement, on vous offre le dernier cri. Et oui, chez Écoutez Voir, les aides auditives libres de la gamme Confort ne vous coûtent rien. Et en plus, le bilan auditif est gratuit. Alors n'attendez plus pour bien entendre. Écoutez Voir, optique et audition. Mutualiste. Dispositif médical, demandez conseil à votre audioprothésiste. Lire attentivement la notice. Dans le cadre du 100% santé, bilan à but non médical. Point de vente soumis au code de la mutualité. Conditions sur écoutezvoir.fr. La Nostalvie. C'est le nouveau livre de Patrick Sébastien. Mon nouveau livre, je l'ai appelé « La Nostalvie », à ne pas confondre avec la nostalgie. La Nostalvie, c'est rose et jaune comme le soleil. C'est faire un pas en arrière pour mieux aller de l'avant. Et crois-moi, on en a bien besoin. « La Nostalvie » de Patrick Sébastien, un récit à savourer. Un livre XO. France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Périgord. Et ici, il est 18h. Le journal avec vous, Charlotte Joutran. Et la pluie va revenir, Bernard, ce soir. La pluie sera là aujourd'hui, cette nuit, et demain, je vous en dis plus dans 5 minutes. Les CRS appelés en renfort pour évacuer les derniers fêtards de la rêve partie. Ils étaient encore 300 ce matin à Église Neuve d'Issac. 4 jours depuis le début de cette fête illégale en plein champ. Les gendarmes contrôlent tout le monde à la sortie. Certains fêtards pensaient que les militaires allaient se lasser. C'est l'inverse qui s'est passé, Marc Bertrand, avec l'arrivée des CRS. Les CRS trottinent dans les flaques de boue. On entend certains dire que ça rappelle Calais. Devant eux, sur le champ, des dizaines de camping-cars et de camions brinque-ballons tentent de rejoindre la route et au milieu, la propriétaire, elle se prend la tête dans les mains. Quand j'ai appris qu'aujourd'hui il devait pleuvoir, je suis venue voir les organisateurs. J'avais dit sortez-vous du champ, mettez-vous le long du chemin. Ils m'ont pas écouté quoi. Elle shoote dans une bouteille de bière laissée dans l'herbe. Qu'est-ce que vous voulez que je peux faire? Je peux pas les sortir de leur voiture et les insulter, ça sert à rien. Sur le chemin, des teufeurs défoncent ces ballots de paille pour mettre sous les roues de leur vieux camion Volvo. On est tous embourbés, tout le monde est en train de s'embourber au fur et à mesure. Mais pourquoi vous êtes restés jusqu'à maintenant? On ne veut pas conduire, la personne qui a un règle. On est positif au cannabis, du coup on ne peut pas perdre de permis. Les silhouettes noires des CRS se rapprochent, c'est la débandade. Certains tentent de passer par les bois avec leur voiture. Maurice les regarde, c'est un agriculteur du coin. Et tous ces cars de CRS, là. Oh, combien ça coûte l'opération là? L'hélicoptère, combien ça coûte tout ça? Il y a moyen de s'amuser. Mais attends, on reste pas presque une semaine sur un terrain sans autorisation, non? Au milieu du champ, il reste un 44 tonnes, complètement enlisé. Maurice a proposé de venir avec son tracteur pour tenter de l'évacuer. Maurice, qui, vous l'avez entendu, se pose des questions sur les moyens engagés. Le patron des gendarmes en Dordogne, le colonel Jean-Philippe Demange, lui répond. Les forces de sécurité ont d'autres priorités et on le comprend dans le contexte actuel. Donc il fallait évidemment mettre fin à ce rassemblement illégal puisqu'ils sont sur une propriété privée avec dépôt de plainte des propriétaires. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a mené cette opération.